Comment la politique utilise-t-elle l'histoire? Chacun voit aujourd'hui, peut-être plus encore que jamais, qu'il y a un enjeu politique de l'histoire, qu'il y a une contestation politique, non seulement des faits historiques. Ont-ils eu lieu? Comment les attester? Comment les vérifier? Il y a parfois, même sur les faits les plus communs, les plus avérés, ce qu'on appelle des révisions, voire des négations, des révisionnismes ou des négationnismes. Mais il y a aussi une contestation sur les cadres mêmes de l'histoire. Qui est légitime pour établir les faits ou pour raconter l'histoire? Et même parfois, sur les objets, ou plutôt sur les sujets de l'histoire. Qui est le sujet de l'histoire? Est-ce que ce sont des nations, des ensembles collectifs prédéterminés? Est-ce que c'est une histoire globale de l'humanité? Est-ce que ce sont des histoires de collectivités infrapolitiques ou transnationales, comme des histoires de communautés religieuses, des histoires individuelles, des histoires familiales, des histoires relationnelles? L'histoire est donc au cœur de la politique, mais pourquoi exactement y a-t-il ce lien? La raison de ce lien est très claire. C'est que finalement il s'agit des deux versants de l'existence collective de l'humanité. Les sociétés politiques ne sont pas seulement des assemblages d'individus pour lutter contre des risques vitaux, contre des catastrophes ou des guerres qui arrivent à un instant donné. Elles se constituent avec le temps et elles ont besoin de s'orienter dans le temps et de se situer par rapport à l'histoire. Il n'y a pas de société politique sans histoire. Et inversement, pour beaucoup de philosophes, et en particulier pour Hegel, peut-être le premier grand philosophe de l'histoire au sens le plus fort du terme, il n'y a pas d'histoire sans politique. Les humains n'accéderaient à l'histoire qu'à travers leur rassemblement dans des institutions communes qui assument ce sens sur la scène du monde. Il n'y a pas d'histoire alors pour Hegel, on peut le critiquer, sans même un État, un sujet qui assume l'histoire sur cette scène commune des sociétés humaines dans la planète. Et donc, d'une certaine façon, le lien entre histoire et politique est essentiel. Il faut absolument, pour une société politique, se rapporter à son passé, l'assumer pour le meilleur et pour le pire, se relier aux autres et lui découvrir un sens. On comprend alors qu'il y ait tellement d'enjeux que dans une campagne politique, par exemple, chacun cherche à instrumentaliser l'histoire dans son sens, dans le sens de ses options, dans le sens d'un conflit. Et alors comment le régler? Il faut au minimum trois règles, on le voit bien. Il faut d'abord la reconnaissance de la vérité historique, l'établissement de l'histoire par les historiens, par les faits, comme dans un tribunal. On commence d'abord par instruire finalement l'enquête sur le sujet. Et il faut bien entendu soutenir la connaissance historique. Il faut aussi un cadre maîtrisé de la discussion historique. Il n'y a pas d'histoire sans discussion sur le sujet et sur les objets de l'histoire. Et il y a enfin la question de la projection dans un avenir, à partir de la conscience d'un passé commun, du changement du moment présent et de la responsabilité commune. L'histoire est donc la condition de la politique, mais la politique est aussi la condition d'une histoire commune.